Salut les amis. Salut Charline. Alors, on reçoit Sergi Lopez aujourd'hui. Bah non, c'était hier. Non, non. Oh, mais il peut pas revenir. Non, il peut pas. Bon, mais t'es bien calme aujourd'hui. Oui, je suis en paix avec moi-même. Ah, oui. Une sorte d'auto-armistice. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, bah, ouais. D'ailleurs, il y a Hollande et Sarko pour le 11 novembre. Oui, ah, oui, ah, oui, voilà. Oui, oui. J'ai lu une dizaine de papiers là. Ah, oui, moi j'ai retracé l'historique des rencontres entre les deux sur 20 ans. Voilà. Mais c'est un bon sujet, non? Bah oui, c'est un bon sujet, d'accord. Mais vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. J'ai lu une dizaine de papiers là-dessus. J'ai retracé l'historique des rencontres entre les deux sur 20 ans. Mais vous n'avez jamais été impliqué dans les sujets comme ça? C'est à cause de l'invité. Ah, on reçoit un politologue de pointe. Non, rien à voir. On reçoit Mathieu Madénian. Bah, et ben, comme le gars est plus drôle que nous, on s'est dit. On mise tout sur les sujets. Voilà, il est plus drôle que vous. Oui, ah, oui, je veux dire, mais même les deux réunis. Oui, là, oui. Et même si on ajoute Thomas VDB. Non, mais il n'est pas humoriste, Thomas. Il fait des chroniques musicales. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, écoutez, vous inquiétez pas. On est sur France Inter. Il restera toujours les mamies qui vous adorent. Mais non, mais Madénian, il a fait Drucker. Mais les mamies l'adorent. Non, c'est perdu. On mise tout sur les sujets. Bon, il y a Macron et les fonctionnaires. Oui, j'ai lu un dossier là-dessus. Je pensais aussi au naming des stades. C'est un phénomène allemand. Je connais très bien. J'ai lu un article dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung sur le sujet. Mais depuis quand tu lis en allemand? J'adore lire en allemand. On a tous les sujets, donc. Ouais, c'est bon. Voilà, rigoler avec Madénian. Voilà. Merci pour nous. Et puis il y aura Dédé. Le lobby arménien, bien sûr. Ah, ça va me faire du bien. Où est-ce que je dois me remettre? Remettre de quoi? De ma rupture avec Sergi Lopez. Oh là là. Avec peine. Bonjour la France Inter, bonjour la France en jour férié. Vous écoutez l'émission qui dépose une gerbe au pied de l'actualité. Et voici les trois informations qui n'auraient pas dû picoler la veille. Ce matin, une brève rencontre a symbolisé la paix, même s'ils sont loin d'avoir signé l'armistice. Nicolas Sarkozy s'est rendu à la commémoration à l'invitation de François Hollande. Vous avez vu ses yeux? Haine et mépris? Moi, j'ai eu aussi de la tendresse. Emmanuel Macron a encore eu une nouvelle idée pour bousculer la gauche, rémunérer les fonctionnaires au mérite, et il leur adresse ce message. Et vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? U2 est en concert ce soir. U2 est en concert au Tut Tut Arena. Oui, parce que Bercy porte désormais le nom d'une chaîne d'hôtellerie. Le Grand Capital rebaptise les stades et les salles de spectacle. Voilà qui nous oblige à citer des noms de marques. Pardon, mais il y a parfois des limites. Hein. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Et moi, je suis accompagnée de celui qui est sponsorisé par Saint-Maclou pour les tissus de ses chemises. C'est Alex Vizorek. Évidemment. Bonjour, Charline Vallonacker. Et aujourd'hui, autour de la table, malgré ce jour férié, une toute belle équipe. À 17h20, c'est l'Arménien le plus drôle de France dans la catégorie. Je vais essayer de vous expliquer un truc sérieux en rapport avec la musique. C'est André Baloukian. Bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier album de Saint-Germain. Mais on ferait une petite incursion par des chamans sibériens en 15 000 avant Jésus-Christ. Après, on parlera un peu des Mésopotamiens en 6 000. Après, on parlera des Mongols. Après, on parlera aussi des Turcs, parce que c'est normal, il y a Mathieu Madénian. Exact. Et on finira avec les Versaillais. C'est le programme de la semaine, c'est pas de la journée. Non, c'est 5 minutes, tout ça. Et à 17h30, aujourd'hui, c'est un jour pour lui, car c'est un homme de paix. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à signer l'armistice avec ses interlocuteurs dès le moment où ceux-ci sont entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Il n'arrive jamais. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui à la chasse aux pinsons, popularisée cette semaine par un homme en slip, armé d'une pelle. J'ai appelé le président de l'Union landaise des chasses traditionnelles. Alors pourquoi il chasse le pinson? Ici, on n'a aucun intérêt à chasser le renne. Il n'y en a pas, je n'ai jamais vu dans la forêt. Voilà, voilà. Donc il y a quand même une logique là-dedans. C'est stupéfiant. Ouais, et à 17h40, celui qui hésite parfois entre les brunes ou les blondes, qui hésite parfois entre la gauche ou la droite, mais qui n'hésite jamais entre l'actualité et la musique, il prend les deux, fait de l'actualité. C'est Thomas VDB, bonjour. Bonjour Alex. Et de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va tout simplement parler de musique militaire. Et voilà, ouais. Parce qu'on aime ça, c'est le 11 novembre, mais on va s'en mettre plein les oreilles. Youhou, si tu écoutes J'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous décrochez un diplôme universitaire de criminologie avec les félicitations du jury. En 2001, c'est l'année où Loana et Jean-Edouard effectuent des allers-retours en piscine sur une distance très très courte. Vous jouez au Jamel Comedy Club en 2007, c'est l'année où Charlie Hebdo publie les caricatures de Mahomet. Vous entamez votre premier spectacle et des chroniques chez Michel Drucker en 2010, quand Dorothée fait son retour après 14 ans d'absence et retrouve Drucker au même endroit. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Moi, Mais si, le mec marrant. Oui, oui je c'est sur, vrai. Je crois que Mathieu Madénion. Voilà. Oui, oh, Mathieu Madénion. En fait, je crois que je suis... Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous êtes le premier invité à marcher sur le jingle. Je crois qu'en fait, je suis le seul invité qui vient un jour férié, en fait, c'est ça. Et comme je vous connais tous, je vous dis, on va appeler un pote pour venir. Et peut-être le seul invité à jamais avoir écouté l'émission avant de venir. Ouais. C'est vrai que, bon, dans une émission où il y a des humoristes qui sévissent, forcément, vous les connaissez. Puis vous êtes très complice avec Thomas VDB, oui, hein, pas de conflit d'intérêt. On est ensemble encore. Tu t'es couché à quelle heure ce matin? Voilà. On a travaillé ensemble hier soir. Voilà l'idée. Mathieu Madénion, vous avez un nouveau spectacle au Grand Point Virgule, du jeudi au samedi à 19h45. Qu'est-ce que c'est que cette heure, cet horaire 19h? C'est bien, c'est mieux que 19h. Exactement, ouais, non, c'est bien, ça permet aux gens après d'aller manger ou de rentrer chez eux. Donc c'est très bien, bah moi ça me va très bien au moins. Et puis double actualité, parce que vient de sortir le DVD de votre premier spectacle. Exact, enregistré au Palace en juin. Un spectacle qu'on a tourné pendant 4 ans, on a joué 2 ans à Paris et 2 ans en tournée. Donc, voilà, et maintenant vous avez renouvelé, puisque nouveau spectacle au Grand Point Virgule, Alex Vizorek. Vous voit, vous connaît. J'ai détesté le spectacle, mais, mais ce qui est génial, c'est que t'es venu le voir. Parce qu'en général, on m'interview. Non, mais je te jure, les mecs, ce ils parlent m'a dit spectacle. À la sortie, ils me dit pourquoi t'es là. Pourquoi dis, tu viens la semaine prochaine. Je dis mais c'est pas normal. Normalement, t'es journaliste. Tu l'as pas vu le spectacle. Exactement. Mais je veux vous voyez malgré tout. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, Mathieu Madénian, c'est la technique des stand-uppers, mais avec les thématiques de Guillon et Porte. Donc ça donne un mélange moi que j'aime beaucoup parce que il est sympa quand il monte sur scène. On a envie d'être son pote et en même temps il nous prend pas pour des idiots, il nous raconte des choses intéressantes et il nous parle de nouvelles choses dans ce spectacle. Et la question que j'ai envie de vous poser, je sais pas si vous avez envie qu'on parle du contenu même de ce spectacle ou si vous préférez que les gens le découvrent, mais... Je préfère qu'ils payent. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça, mais la question que j'ai envie de vous poser, parce que moi par exemple, mon premier spectacle, je trouve formidable, comme le vôtre était formidable, mais qu'est-ce que je vais faire pour écrire le second? Comment vous avez fait? Quand on a fait un gros spectacle qui vous a rendu célèbre et qui a beaucoup tourné. Qui a tourné 4 ans. Voilà, comment on passe au suivant? Donnez-moi un conseil. On se fait peur en fait, on recommence à zéro. On travaille encore avec Thomas VDB qui est juste là, qui est en train de décuver. On est retourné dans le petit. Je suis retourné dans le petit bar où j'ai travaillé il y a 4 ans, le Paname, et c'était au mois de novembre. On a commencé avec Kader Aoun avec 0 minute. On s'est dit on ne prend rien de l'ancien. On recommence et donc pendant ça fait très c'est étrange. Tu sors de là des fois tu te dis mais c'est terminé, je serai plus jamais drôle de toute ma vie. Et puis à force de bosser, à force de monter sur scène, tu arrives à avoir ton heure. Il faut de l'humilité. Ou est-ce que c'est ça le plus grand plaisir au final, c'est de bâtir ce spectacle face à des petites salles avec des nouvelles vannes qu'on n'a jamais essayées? Je crois que tu es pas marrant toute ta vie en fait. C'est du travail en fait. Je crois que si jamais le jour où tu penses que t'es vraiment marrant, c'est fini, tu seras plus jamais marrant. Donc en fait, c'est comme Rocky, il faut aller taper dans la viande et s'entraîner. C'est ça. Ou alors tu peux être marrant toute ta vie, mais pas tout le temps. C'est vrai, mais je pense que pour écrire un spectacle, il faut se dire que moi j'ai recommencé à travailler avec des mecs qui montaient à peine sur scène, faisaient des plateaux, et les types me voyaient arriver en disant putain, il y a Mathieu Madénian, et on va se marrer. Et au bout de 2 minutes, ils font c'est lui Mathieu Madénian. Il n'y a plus aucun respect. Ils se disent bah, c'est pourri en fait. Et voilà, tu travailles comme Alors, ça. Alors, pour ceux qui connaissent Mathieu Madénian, comment est-ce qu'on peut définir le style? Parce que si vous avez fait un spectacle différent, vous êtes reparti de zéro, toujours avec votre complice aussi Kader Aoun, alors cette fois-ci. Comment est-ce qu'on définit le style qui, lui, reste, j'imagine, d'un spectacle à l'autre? Thomas VDB, si vous devez un peu expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. Non, mais moi, ce que je peux dire de Mathieu, c'est bon, c'est vrai qu'on est copains dans la vie, mais comme on fait le même métier et que on a la chance de travailler beaucoup ensemble, enfin, moi, j'ai beaucoup tourné avec toi, Matt, l'année dernière et tout. Moi, ce qui fait halluciner, c'est la densité du spectacle de Mathieu. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit c'est du stand-up et tout. Alors, il y a plein de gens qui se revendiquent du stand-up en France, d'autres pas et tout ça. Moi, ce qui est hallucinant chez Mathieu, c'est la densité dans les sujets, dans la quantité de rire qui arrive dans un spectacle, parce que le public rit plus que dans beaucoup d'autres spectacles quand même. Enfin, c'est vrai que c'est quand même... Vous parlez et donc... des sujets quand même. Vous parlez de vos problèmes avec les électeurs fondationnels que vous avez eu récemment. Vous parlez aussi de Charlie. Il n'y a pas de sujet que vous évitez, quoi. Non, enfin, je parle de moi, en essayant de pas être nombriliste, en fait. Mais parce que déjà, c'est un exercice qui est centré sur toi, de monter sur scène. Tu parles de toi. Mais en essayant de parler aux gens, en fait, et de parler d'eux. Donc, je parle de mes procès que j'ai eus. Je parle de Charlie. Je parle du fait d'acheter un appartement et de faire un prêt à 40 ans. Il était obligé de faire une prise de sang pour avoir de l'argent. Moi, ça m'a choqué. Donc, je raconte ça en essayant d'être marrant, parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Quoi, voilà. Mais c'est des sujets qui concernent. C'est des sujets à chaque fois qui concernent tout le monde. C'est vrai que la difficulté de l'exercice, c'est de parler de soi, mais sans que ce soit effectivement nombriliste, comme vous disiez, et de concerner tout le monde. Oui, sinon ça devient juste un spectacle concernant, diraient certains confrères, parce que c'est un mot qui fonctionne. C'est Mathieu Madénian. En tout cas, on n'a jamais entendu Thomas VDB parler aussi sérieusement d'un truc. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a mon cousin qui est autour de la table. Tout ça est assez consanguin. Hein. On va, voilà. C'est vrai. Au grand point virgule. Ah bon, vous êtes arménien, Thomas. Du jeudi au samedi à 19h45. Et puis on rappelle aussi le DVD du premier spectacle enregistré lors de votre dernière au Palace. Allez, musique! You know, she comes around just about 5'4" from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, she make her feel all right. And her name is G. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Now she make me feel alright. Gloria, Van Morrison, France Inter, Mathieu Madénian. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Et autour de cette table, Mathieu Madénian, qu'on a invité parce qu'on aime bien. Mais il faut dire aux gens qu'on invite aussi des gens que nous n'aimons pas. Et non, mais c'est vrai, parce qu'on ne va pas s'exclure d'inviter des gens qu'on aime bien. On n'est pas là pour parler de Maud Fontenoy non plus, tout le temps. Et autour de la table, on l'a entendu, c'est Guillaume Meurice, oui. Thomas VDB est là. Et André Manoukian est au taquet parce qu'il va évoquer pas mal de trucs. Ça va être énorme et c'est dans une dizaine de minutes. Et là, que s'est-il passé dans le monde depuis 20 minutes, qu'on n'a plus eu d'infos? Eh bien, allons-y, le journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Avec les titres. Roselyne Bachelot a donné son avis sur Emmanuel Macron. Il sera sans doute flatté de savoir ce qu'une présentatrice télé pense de lui. Le majordome de Jean-Marie Le Pen aurait 2 millions d'euros sur un compte en Suisse, ce qui me semble être un salaire normal au vu de la pénibilité du job. Et puis il y aura des brèves, parce que malheureusement, pour les brèves, il n'y a pas d'armistice. Et on commence par le bel hommage à la Grande Guerre ce matin au pied de l'Arc de Triomphe. Et oui, pour commémorer l'armistice, la France a réuni les 2 anciens présidents qui ne demandent qu'à se faire la guerre. Cette cérémonie qui intervient le lendemain du décès d'Helmut Schmidt, décédé à l'âge de 96 ans. L'ancien chancelier, connu pour être un fumeur invétéré, avec plus d'un million de cigarettes consommées sur toute sa vie, on dit de lui qu'il est l'homme qui a fumé le plus de cigarettes au monde. Et bonne nouvelle, depuis hier, il a enfin arrêté de fumer. Politique française, on commence avec Roselyne Bachelot. Qui, pendant l'émission Le Grand 8, a donné son avis sur Emmanuel Macron. Comment est-ce que François Hollande a pu introduire un tel virus dans son gouvernement, dans son camp et dans sa communication politique ? Et oui, elle est bien placée pour en parler, elle qui a été un problème de communication politique pour Nicolas Sarkozy. Et puis, elle peut peut-être aider Hollande à soigner les virus, il doit bien lui rester quelques vaccins. Passons au Front National, l'homme de confiance de Jean-Marie Le Pen est bien le gérant d'une société qui possède plus de 2 millions d'euros sur un compte en Suisse à 41 ans. Gérald Gérin n'a pourtant exercé pour seule activité majordome et assistant parlementaire d'une eurodéputée FN. C'est scandaleux. Hein. Ah bah oui, une telle somme, c'est sans doute acquise de manière frauduleuse, c'est scandaleux. Non, c'est le cumul des mandats qui est scandaleux. Parce que assistant parlementaire FN, c'est déjà être majordome d'un député. Ah oui, c'est comme ça. Selon l'Express, Nadine Morano aurait contacté le magazine Valeurs Actuelles pour suggérer de faire la une. Elle aurait même proposé le titre L'Insoumise. Valeurs Actuelles ne s'est pas montrée intéressée, mais Nadine Morano, L'Insoumise, eh bien les productions Marc Dorcel se sont montrées intéressées. Passons à Philippe Devilliers. Porté par les chiffres de vente de son livre, il n'exclut pas de se lancer pour 2017. Ouais, enfin, si les chiffres de vente d'un livre faisaient de vous un présidentiable, Valérie Trierweiler serait chef d'État et Marc Lévy Premier ministre. Oui, et selon le sondage Super U, la FNAC et Relais, François Fillon remporterait la primaire à droite. Passons au sport. Sepp Blatter a été hospitalisé. Effectivement, le président démissionnaire de la FIFA, Joseph Blatter, est à l'hôpital depuis plusieurs jours, victime du stress. Apparemment, il aurait été très choqué par tout ce qui se passe à la Fédération d'athlétisme. Et on termine par des brèves. Oui, un nouveau jeu vidéo de simulation de vie réelle a été créé en Nouvelle-Zélande. Oui, et quoi, on gère une équipe de foot, une entreprise? Non, eh bien on peut gérer une station de métro. Principe est simple, vous serez en charge d'une station de métro dans une grande ville et vous devrez gérer tous les aspects du transport, les quais, le trafic, le monde, les vols. Ah, écoute, on espère tous qu'Anne Hidalgo va faire quelques parties de... Oui, on espère de ce jeu. Et la dernière est pour la fin... Héros, le vendeur de churros avait 1200 plants de cannabis chez lui. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oui, en fait, il était menacé par des gens, il a donc été à la police pour porter plainte. Et donc la police a bien voulu faire son travail, elle s'est rendue chez lui et paf, elle est tombée sur les 1200 plants de cannabis. Sans doute qu'il avait oublié qu'il en avait, donc vraisemblablement, en plus, il en consommait lui-même. Nous sommes en compagnie de Mathieu Madénian jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le premier sujet. C'est une émission qui change le monde, je le rappelle. Hein, donc on va trouver des solutions. L'une des images de ce 11 novembre, si ce n'est l'image du jour, c'est celle de François Hollande serrant la main de Nicolas Sarkozy. Parce que les deux hommes ont rarement l'occasion de se croiser. C'est toujours donc un événement. En exclusivité intersidérale, voici ce qu'ils se sont dit ce matin. Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis-moi, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Le grand détournement. Alors, la poignée de main entre Hollande et Sarkozy tourne sur toutes les télés et les sites d'infos, bien sûr. Alors, ça provoque chez vous, Mathieu Madénian, un sentiment de bien-être et d'apaisement. Un petit peu comme dans les films où les frères ennemis se serrent la main. Ça vous fait du bien, cette image? J'ai pas vu l'image, mais je vais, il faut l'imaginer. Ça. Ouais, ouais, ça doit être assez. Furtif. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est marrant qu'il s'incruste comme ça. Je trouve ça génial en fait. Il était invité. Oui, protocolairement. Il était la dernière fois. Il était chez Poutine. Tu verras demain. Il est chez Hanouna. Partout quoi en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire présidentiel quoi. Exactement. En quelque sorte. Alors ils se croisent rarement. Ils se sont croisés pour les obsèques de Nelson Mandela ou la commémoration du débarquement en Normandie ou le 11 janvier la marche pour Charlie. Et justement, cela nous amène à Charlie Hebdo. Mathieu Madénian. Votre carte postale, je conseille vraiment la lecture parce qu'elle est excellente. Et alors, votre thème cette semaine dans Charlie, c'est le nombre de livres qui paraissent à presque un an, évidemment, des attentats à Charlie Hebdo et à l'hypercachère. Alors, vous dites à côté, Martine joue petit bras parce qu'il y a tellement de bouquins qui sortent. Et vous dites, ce que j'attends impatiemment, c'est « J'étais la meuf de Charb » par 12 personnes différentes. Oui, voilà. Je l'achète. Donc, comment vous voyez toutes ces sorties de livres, d'autant qu'on apprend dans la carte postale de Mathieu Madénian dans Charlie Hebdo qu'on vous a proposé, on est venu vous chercher pour proposer d'écrire un bouquin parce que vous avez échappé à la tuerie parce que vous êtes resté chez vous. Voilà, donc un problème de télé. Ça y est, tu viens d'écrire mon livre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte en fait? Déjà, je me sentais pas trop légitime à écrire un livre là-dessus. Et puis, si je dois parler à quelqu'un, je vois un psy. C'est ça. Donc, oui, on m'a proposé. J'ai dit, mais pourquoi faire? Et dans la carte postale, je me dis, le seul livre qui serait intéressant, c'est faire un. un carnet de pages blanches et tout le monde l'achète et on dessine. Voilà, je trouve ça beaucoup plus. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais vous prenez les droits d'auteur là-dessus quand même. Exactement. Ouais, obligé, bien sûr. Évidemment, évidemment. Voilà. Et puis vous expliquez aussi, tiens, alors que avec Patrick Peloux et l'équipe du théâtre du Rond-Point. Ouais, on risque de faire ça. On en parle. Se réunir sur scène pour les pour l'anniversaire. Je sais même pas si on peut parler d'anniversaire et lire quelques textes de Charles parce que je le conseille encore. Lisez ces trucs-là. Les fatwas. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est génial. C'est vraiment bien. Voilà. Donc, lire du Charles, ça peut faire que du bien. Mathieu Madénian est avec nous. Et tiens, à côté de vous, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, André Manoukian. On se voit souvent au repas arménien quand il y a à bouffer gratos. Je sais, nous, on est des Arméniens, mais en mangeant. On mange et on pleure en même temps. Oui, exactement. C'est ça, voilà. Allez, donc, un petit peu d'histoire. Allez, aussi même, Manu. À peu près 16 000 ans. La conquête de l'Ouest commence donc en 15 000 avant Jésus-Christ. C'est des chamans tibériens qui traversent le détroit de Bering. À l'époque, le détroit de Bering, c'est une terre, c'est pas de la glace. Et ils vont peupler l'Amérique. On va les appeler les Indiens, ces chamans. En fait, c'est l'erreur d'un cow-boy espagnol qui croyait qu'il était en Inde. Après, on est en 6000 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens, les premiers civilisés qui ont tout inventé. L'écriture, les mathématiques, la banque, ils ont tout inventé sauf le Club Med et la Sécurité sociale. C'est un sociologue qui dit ça. Se répandent vers l'Ouest en Europe. Ah, on est sur la route vers l'Ouest. Au 12e siècle après Jésus-Christ, c'est les Mongols menés par Genghis Khan qui vont aller à l'Ouest jusqu'en Pologne. Au 15e siècle, c'est les Turcs menés par Mehmed II à l'Ouest toujours qui prennent Constantinople. Il faut attendre la fin du 20e siècle pour que les Versaillais, dans une grande coalition menée par Ludovic Navarre, alias Saint-Germain, envahissent les États-Unis. Daft Punk, Air, Phoenix, Motor Bass, alias Étienne de Crécy, toute la French Touch va se répandre dans le monde. Et la compagnie créole aussi, non? Comme les hordes de Genghis Khan, mais en plus cool. Paradoxe, nos guerriers mongols à nous sont versaillais, la pop française est plutôt chicose. Pareil pour le rock. Si en Angleterre, le rock est une musique très populaire au sens ouvrier du terme, en France, c'est la bourgeoisie qui s'en empare. Vous savez ce que c'est la PTRS ? Le Paris Teenage Rock Scene, les Baby Boons, Second Sex, les Parisiens. C'est des rockers de salon, il y a les rockers de garage et les rockers de salon. Le problème, c'est qu'en fait, c'est quelques beaux pâtés de maisons parisiens qui font la loi dans le rock hexagonal. Où sont les prolos? Où sont les frères Gallagher français? Ce sont les descendants de ceux à qui on a coupé la tête qui dirigent la vibe mondiale. Alors, ceci étant dit, il n'empêche que nos aristos produisent de la bonne musique. En tout cas, ils inventent un genre, le cool. C'est toujours plus à l'ouest que naît le cool, à l'instar du courant né sur la côte ouest des États-Unis qu'on appelle le jazz West Coast, incarné par Chet Baker, Jerry Mulligan, Paul Desmond, Joe Pass. C'est un jazz qui est plus tranquille, il est blanc, il est savant, il est laid back, il est cool. C'est ce que font nos Versaillais quand ils s'emparent de la tech. La tech, en fait, c'est né dans les ateliers de la Motortown à Détroit, Michigan, la ville des moteurs. Les trois gars qui ont créé la tech dans les années 80 s'appellent Juan Adkins, Derek May et Kevin Sanderson. Et en fait, c'est trois blacks qui s'emparent des synthés, qui vont jouer avec et qui vont les faire groover. Et à l'époque, faire groover une machine, c'est un peu comme attendrir un militant du Front National devant la photo d'un migrant qui se prélasse sur une plage grecque. Encore une fois, c'est des blancs qui s'emparent d'une musique de black. Le jazz, le rock, la tech, et ils en font un carton mondial. Grâce soit rendue quand même à notre ami Ludovic Navarre, alias Saint-Germain. Quand il commence, il fait comme les copains. Il mixe plutôt ambiante, une trance cool et répétitive. Petit à petit, ça va être un des premiers à intégrer des éléments plus musicaux. Des sons de piano, des petites phrases. Il commence à sampler des rythmiques du label Blue Note, ce légendaire label de jazz. Des lignes de contrebasse. Le principe de la contrebasse en jazz, c'est qu'elle fait la walking bass. Autrement dit, elle ne s'arrête jamais. Impossible. La walking bass. Alors la walking bass, c'est doum doum doum doum doum doum doum doum doum. D'accord. Ça, c'est les dents de la mer. C'est dingue. Comment faire pour chanter ça? C'est impossible. En fait, elle fait que monter et descendre les degrés forts de la gamme avec des chromatismes et des notes de passage. Ben, Saint-Germain, il va juste choper deux mesures, parfois une, parfois même une demi, et il va la répéter là. Et c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ça groove toujours autant et ça se retient. Il y a un petit côté mantra. Vous savez ce que c'est un mantra? C'est quand on dit Om Mani Padmé, Om Mani Padmé. C'est quand on répète une même phrase toujours, et puis qu'au bout d'un moment la tête vous tourne et puis que vous voyez l'extase. Bah, il fait un petit peu la même chose avec la ligne de basse. Je tiens à dire que tous les Arméniens ne sont pas comme ça. Voilà. Alors, petit à petit, il incorpore des bouts de phrases qu'il a découpées une fois encore. Alors, parce que les samples à l'époque étaient courts, c'est ça le truc. Bah oui. En fait, on avait des sampleurs qui pouvaient pas sampler pendant très longtemps. Donc, le désavantage de la technologie de l'époque va créer un vrai style musical. Là, je dis chapeau. Et ce qui fait que même les blaireaux comme vous vont avoir accès à cette musique d'Aristo et Rudy. Et là, je dis chapeau et merci Saint-Germain. Plus de 2 millions d'albums vendus en 2000 quand il passe sur le label Blue Note. 15 ans après, il nous revient. Et là, vous avez écouté les petits bouts de phrases qui se baladent ? Bien sûr. Et ben c'est quoi ? C'est un peu plus... C'est ouais, un peu plus, hein. C'est un peu plus... Un peu moins, non ? C'est un peu plus... Moins. C'est un peu plus africain. Ah, c'est... Mais oui, évidemment. Saint-Germain, c'est de plus en plus africain, je le vois. C'est même sénégalais, je trouve. Non, c'est pas sénégalais. Il y a du Yoruba. C'est malien. En fait, il remonte à la source. Voilà, toute la source de la musique, elle vient de là. Il s'est intéressé au jazz il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, il fait comme les saumons. Avant de se reproduire, on remonte à la source. Moi, c'est pareil. Avant de me reproduire, j'aime bien remonter les sources. Donc là, on va écouter Real Blues. C'est la méthode arménienne, ça, c'est ça. Mathieu Madénian. En gros, on se baigne dans la Seine et on va baiser après. D'accord. C'est cela. On va écouter Real Blues. Il a samplé un vieux chanteur de blues qui s'appelait Lightning Hopkins. Germain, qui sera en concert, André Manoukian. Qui sera en concert demain soir au Bataclan avec toute une flopée de migrants, enfin je veux dire de musiciens maliens. Tiens, vous opposiez le rock de salon plutôt à la française, au rock ouvrier plutôt anglo-saxon. Est-ce que le rock de salon à la française, il arrive à traverser le temps comme le rock ouvrier ? Ah ben, est-ce qu'il va arriver à traverser le temps ? Bonne question. Bon, on verra. Quand on n'a pas préparé, pas on ne sait pas. Hein. Non. Bien sûr. Hey, t'as pas bossé, Dédé. Sauf que dans la catégorie de rock classieux à la française, il y a aussi Noir Désir. Ah oui. Il y a aussi une scène à Bordeaux, dans toutes les grandes villes. Enfin, c'est resté jusqu'à un certain accident, quand même, hein, de toute façon. Rien à voir avec la choucroute, ça reste toujours génial. Mais oui, évidemment. Après, j'ai pas dit qu'ils faisaient de la merde, hein, les gars de chez nous. Non, un petit peu quand même. Je dis, c'est juste bizarre ce décalage sociologique. Tout à l'heure, tu nous disais que t'aimais bien Simon et les mots d'année. Toi, le déneige. C'est parce que c'est un copain. Mathieu Madénian est avec nous avant d'être au point virgule du jeudi au samedi. Et il y a à côté de vous un humoriste qui fait de l'investigation journalistique. Je ne parle pas de Thomas VDB, dont on entendra la chronique tout à l'heure, mais de Guillaume Meurice, dont c'est le moment sur France Inter. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler chasse aux pinsons. C'est la mode en ce moment dans tous les médias. Personne n'en parlait avant parce qu'ils n'avaient pas d'égérie. Il n'y avait pas d'égérie de la chasse aux pinsons. Négligence funeste, mais désormais réparée. La Croix-Rouge à Adriana Carambeu, L'Oréal à Nathalie Portman. La chasse aux pinsons a désormais un homme en slip, armé d'une pelle. On l'a vu partout. Alors, il contestait l'intrusion de militants de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, venus détruire des pièges à pinsons qu'on appelle dans le sud de Kong des matoles. Alors, j'ai contacté Jean-Jacques Lagu. Il est président de l'Union landaise des chasses traditionnelles à la matole. Alors, pourquoi Jean-Jacques chasse-t-il le pinson ? Parce qu'on a toujours chassé le pinson dans les Landes. C'est juste pour cette raison-là ? Ben oui, pour quelle raison ? On chasse parce qu'on chasse. Mais ça veut dire que vous chassez pas par plaisir ? Mais absolument pas, monsieur. Mais vous êtes, vous faites partie des gens qui ne comprennent pas grand-chose là. Hein. C'est pas possible de poser une question comme ça. Alors, pardon, excusez-moi, mais j'essayais juste de comprendre. Donc, ils chassent parce qu'on a toujours chassé. C'est un bon argument. Hein. On voit pas pourquoi la société devrait toujours évoluer. Sinon, vous verrez qu'un jour, on donnera le droit de vote aux femmes. Non, mais n'importe quoi. Puis pourquoi pas aux pinsons pendant qu'on y est ? Non, on ne change rien. Alors, il prend pas de plaisir à chasser, mais il y a quand même un but dans la démarche. J'essaye de protéger la faune et la flore pour les générations qui suivent. Vous protégez la faune en tuant des oiseaux ? Absolument. Ah bon ? Oui. Alors ça vous étonne peut-être. Un peu, ouais. Ah ben oui, ben c'est que vous n'avez rien compris alors. Je sais bien, mais faut pas m'engueuler comme ça. Préparez vos dossiers. Attendez, moi je débute dans la protection animale. Mais bon, s'il faut tuer des pinsons pour les sauver, allons-y, hein, construisons des matoles. Alors le problème de la matole, c'est que ça capture tous les oiseaux qui peuvent rentrer dans le piège. Pas seulement ceux qu'on souhaite. Mais ça, c'est prévu. Si par accident, un oiseau d'une autre espèce est capturé, il est relâché immédiatement. Mais ça veut dire que vous restez à côté des pièges ? On reste pas en permanence peut-être tout le temps, mais on y va X fois. Ah oui, mais ça veut dire qu'il y a un oiseau qui peut se faire prendre au piège et puis mourir dans le piège. Et on le relâche parce qu'il n'a aucun intérêt. Oui, mais s'il est mort ? Mais comment mort, monsieur ? Je viens de vous expliquer que c'était une cage sans fond qui tombait de 10 cm de hauteur sur l'oiseau. Il est emprisonné vivant sans être ni stressé ni blessé. Mais c'est pas possible, hein ? J'essaye de comprendre. Donc il y a une grille qui tombe sur l'oiseau, mais ça le stresse pas. Je vous dis heureusement qu'il n'était pas en face de vous, parce que sinon la pelle elle part. Je pense qu'effectivement c'est pas possible, mais bon, l'essentiel à comprendre c'est que si vous touchez une matole, vous vous exposez à la colère d'un homme en slip armé d'une pelle. Hein, c'est ça l'essentiel, ça tout le monde peut le comprendre, même Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous feriez, vous, monsieur, si je venais chez vous et si je cassais tout dans la salle de séjour, dans le salon ou dans la chambre ? Ah, ils étaient dans la salle de séjour, carrément ? Mais non, ils étaient à 6 mètres de la porte d'entrée. Ah oui, à 6 mètres, c'est quand même un petit peu loin de la... Ben, à la campagne, à 6 mètres de la porte d'entrée, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Non, alors moi, il se trouve que j'ai vécu toute mon enfance à la campagne et j'ai toujours cru que 6 mètres là-bas, c'était la même chose que 6 mètres en ville. Alors, à moi qui parle de 6 mètres à vol d'oiseau ou vol d'oiseau mort, enfin, j'en sais rien, c'est très confus. Bon, puisqu'on parle de vol, Jean-Jacques m'en a appris de bien belles sur le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg. Qu'est-ce qu'il a à gagner à s'exposer au coup de pelle d'un homme en slip ? Essentiellement de l'argent. Monsieur Bougrain-Dubourg, il ne travaille que pour ça. Et ça rapporte beaucoup d'argent de protéger les oiseaux ? Ah ben je pense quand même, parce qu'à La Rochelle, je pense que la LPO a acquis pas mal de biens quand même. Ah bon ? Il y a une demi-rue qui lui appartient, à présent, un immeuble, je pense que... C'est ce qu'on m'a dit, je ne suis pas allé vérifier. Oui, comme Jean-Jacques, il a l'air assez à l'aise avec les chiffres, on peut lui faire confiance là-dessus. Donc nous serions face à un véritable scandale financier de grande ampleur. La LPO, serait une véritable usine à pognon, figurez-vous. Donc les gens en galère, hein, si vous nous écoutez, vous voulez faire du fric, adhérez à la LPO. Ça m'a l'air d'être un très bon investissement. Et alors pourquoi les médias n'en parlent pas ? Ça, on a l'explication avec Jean-Jacques. C'est à croire que dans les médias, les gens ne comprennent pas grand-chose, c'est pas possible. Ah ben, on essaye de comprendre, moi j'essaie de comprendre, c'est pour ça que je vous interroge. Ou alors, monsieur, ils le font d'une manière très orientée, avec un intérêt financier ou... Vous pensez que les médias sont achetés par le lobby du pinson ? Oh, écoutez, je pense que s'ils se déplacent tous les ans depuis Paris, il y a bien une raison, non ? Ouh là là là là là là, j'étais en train de lever non pas un pinson, mais bien un lièvre. Il y aurait donc des pinsons qui feraient pression sur les médias pour les rallier à leur cause, et là, c'est très grave. Pour en avoir le cœur net, j'ai contacté directement un pinson. Et écoutez ça, c'est tout à fait saisissant. Ah. Oh, c'est dingue. Incroyable. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu Dédé? Vous avez compris? Moi, je comprends le langage des pinsons. Le pinson profère carrément des menaces à mon encontre. Hein, bah, tu dis du bien de nous à France Inter, sinon on nique ta race d'Homo sapiens. Un préjugé, un procédé ignoble, évidemment. Vous savez quoi? Puisque c'est comme ça, je ne vois aucune raison valable de continuer à défendre ces saloperies de bestioles. Je suis donc en total désaccord avec Jean-Jacques qui veut les protéger en les tuant. Et je propose sans plus attendre qu'on leur nuise en les laissant tranquilles. Merci Guillaume Meurice. Le message est entendu. J'espère que tous les pinsons qui écoutent France Inter sont ils sont nombreux et on les salue. Très écoutés chez les pinsons. 80% de l'audience chez les pinsons. Merci Guillaume. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Mathieu Madénian. Il y a toujours André Manoukian, Thomas VDB dont on attend la chronique. Oh, c'est qui? Eh oui, Guillaume Meurice, on a entendu, Alex Vizorek. Et le deuxième sujet avec vous, là, j'anticipe. Emmanuel Macron, encore lui, que voulez-vous? Écoutez, il est tellement créatif ce garçon. Macron donc est favorable à la rémunération au mérite pour les fonctionnaires. Un débat bien ancré sur le clivage gauche-droite. Et moi, je crois que le premier truc de la politique, c'est de donner à chacun selon ses besoins. Chaque être humain a le droit à un minimum de soins et d'aide. Ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Chacun selon ses besoins. Ah ben non, Fabienne, c'est pas chacun selon ses besoins, c'est chacun selon son mérite. Ah bah, si j'avais dû nourrir mes enfants selon leur mérite, ils seraient tous morts de faim. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Bijou? T'es en train de défendre des idées de gauche, là. Ah bon? Je suis peut-être pas de droite, alors, finalement. Alors, Mathieu Madénian, je me suis dit, dans votre métier, on fonctionne au mérite. Ah oui, mais de toute façon, ça se voit, le mérite, c'est les gens qui rigolent et la salle qui se remplit. Mm-hmm. On le sait tout de suite si c'est bien ou pas, en fait. Et voilà. Si vous étiez payé en fonction des applaudissements ou des rires? Ah là, je sais pas trop. Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Ah, oui. Mais c'est ça qui est bien, parce que tu recommences toujours à zéro, donc en fait, tu te remets toujours en cause. Ça qui est... C'est entièrement vrai, c'est pour ça que dans les métiers de l'humour, il y a assez peu de fils d'eux. Parce que la vraie règle, c'est exactement. De faire rire. Donc le fils Bedeau se fait rire, c'est bon, il peut venir, mais il n'y a pas de passe-droit, vu que face à un public qui ne rit pas, il ne rit pas. Et c'est ça. Alors, donc, selon Emmanuel Macron, chacun selon son mérite, hein, il s'est exprimé à titre personnel, hein, parce qu'il ne voulait pas d'embrouille, mais il en a créé quand même. C'est un concept qui appartient à la droite, ça. Apparemment, il y a une expérience menée à la mairie de Suresnes. Il y a 1300 fonctionnaires et ils appliquent ce principe de mérite avec des critères comme l'assiduité, le respect des délais ou l'adaptation au changement et la prise d'initiative. Voilà. L'assiduité, c'est toujours maximal chez les fonctionnaires. Apparemment. Alors, on peut ainsi gagner jusqu'à 135 € de plus par mois. En revanche, les moins bons élèves gagneront 90 € de moins. Ah, il y a des sanctions. Il y a une carotte et un bâton. C'est ça, si tu dois rémunérer les fonctionnaires en fonction de leur mérite, c'est que le gouvernement, il va être viré. C'est ça. C'est incroyable. Et oui, bonne idée. Et si on payait les ministres? Faites ça avec les ministres, et ouais, pourquoi pas. Excellente idée, tiens. Alors, les agents seront notés sur une échelle allant de très insuffisant à exceptionnel. Voilà. Là, on vit dans l'univers du jugement permanent. Mais alors, vous aussi, dans votre métier, parfois, vous êtes jugé. Il y a des étoiles dans les Arocs ou Télérama, des petits bonhommes qui sourient. Ou pas. Le nombre de thé et tout. Voilà, ah là, c'est ça. Oui, mais il ne faut pas lire en fait. Là, vous avez l'habitude de ça. Vous les lisez les critiques, pas. Ouais. Tout le monde dit on ne lit pas, on ne fait pas gaffe, mais tu es obligé de lire et ça touche quoi qu'il arrive. Que ce soit en bien ou en mal, on est des êtres humains. Justement, dans nos métiers, c'est ça. Mais est-ce que le côté, justement, les gens qui ont choisi de travailler dans la fonction publique, est-ce que c'est justement pas pour ne pas s'exposer à ce genre de choses? Et donc il y a un choix où on sait qu'on va travailler. Vous voulez dire qu'ils sont planqués? Non, alors pas du tout. C'est des choix justement. Fait entrer des méthodes qui n'étaient pas dans la règle privé. De départ. Bah oui, évidemment. Mais surtout, qui va juger? Mais qui êtes-vous pour juger? Mais oui. Lors d'entretien avec le chef de service, etc. Ça va surtout créer des ambiances horribles. C'est d'ailleurs, tiens, moi je vais noter Thomas VDB en fonction de sa chronique et on verra pour son salaire. On verra ça après. De toute façon, c'est férié, c'est payé double. Oui, bien sûr. Ce que vous m'avez fait croire tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. On y va. Tu as les écoutes de Thomas VDB. C'est un mélange de musique et d'actualité. Là, c'est une musique d'un film de Louis de Funès. La semaine prochaine, le jingle aura changé. Magnifique, magnifique. Bravo, bravo pour ce jingle. On pourrait presque s'arrêter là. Oui, alors, je crois que ça suffit. Nous sommes... Ça commence bien en tout cas. Nous sommes le mercredi 11 novembre 2015. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans pile, on était le 11 novembre 1915. C'est pas rien. On était en pleine guerre, alors pour les soldats, c'était l'horreur au quotidien, même si c'est un peu rassurant de penser que comme on était le 11 novembre, cette journée leur offrait un peu de répit puisqu'elle était fériée. Hein, alors pour eux, c'était l'occasion d'écrire à la Francine, hein, de jouer aux cartes, de faire un cluedo avec les copains. Alors, mais nous sommes le mercredi 11 novembre, donc c'est férié, mais pour nous autres intermittents du spectacle, le mercredi 11 novembre, c'est surtout mercredi et on bosse. Hein. Alors, donc on rigole, c'est bien parce qu'on est là, on rigole, ah bah, on fait des blagues sur l'actualité, ah François Hollande, ah Sarko, mais n'oublions pas qu'il y a 100 ans, nous tous autant qu'on est autour de cette table, à part peut-être Charline qui aurait été en train de coudre, eh ben on aurait tous reçu une petite lettre de réquisition, et puis là on serait pas dans un studio les amis, on serait dans la bouillasse, hein, on serait dans la gadoue. Et l'urgence elle aurait pas été, je peux vous dire, à la rigolade, hein. Tu vois Guillaume, t'es gentil, mais avec toi au lieu de faire ton moment meurice, là tu vas m'aider à amputer la jambe d'Alex Vizorek en serrant très fort ce garrot, voilà. Allez Alex, tu mords fort dans la ceinture, voilà, c'était ça, ça serait passé comme ça, si tu écoutes Jeanne, tu vois l'époque. Et c'est fou de se dire d'ailleurs que tous les comiques d'aujourd'hui, quasiment, on aura eu l'âge de faire la guerre. Hein, il y a 100 ans, on aurait tous été dans les tranchées, tous les comiques, c'est marrant. Mettez-vous à la place d'un Allemand quand on chargeait. Le mec va arriver, Nicolas Bedos avec une baïonnette. Nicolas Bedos, Tarsus, Nicolas Bedos. Évidemment. Alors moi, chevalier, mon Dieu. Personnellement, moi j'ai beaucoup de respect pour tous les poilus qui sont allés faire la guerre. Mais c'est vrai que maintenant qu'ils sont tous morts, je peux le dire. Je pense que moi à l'époque, je me serais fait fusiller parce que j'aurais probablement déserté. Je veux dire que c'est vrai que de mon point de vue, la motivation de récupérer l'Alsace et la Lorraine n'aurait pas été assez grande. Pour moi, je pense que limite, je leur aurais donné la Picardie gratos aux Allemands. Hein, puis c'est vrai que je ne suis quand même pas un très bon soldat. Je pense que je n'aurais fait que les gêner. Puis déjà, ils sont tous partis en taxi. Moi, je fais que Uber. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'un ordre de mobilisation générale aujourd'hui, ça aurait clairement moins d'impact avec moi. Allez, Thomas, à l'attaque! Attends, faut que j'actualise mon statut. D'abord, je pense que j'aurais été pas vraiment dans l'action de la guerre. Mais ensuite, on se remet dans le contexte de l'époque et surtout dans le contexte de l'actualisique de l'époque. Bien sûr. Hein, je rappelle que l'actualisique existait déjà, évidemment. Faut pas oublier que la guerre 14-18, c'était quand même l'occasion d'écouter de la bonne zik. D'écouter du bon son. Alors je précise particulièrement si vous étiez fan de Clairon. Hein, parce que c'est vrai que quand vous partiez à la guerre, si en plus vous ne supportiez pas le Clairon, hein, vous augmentiez quand même considérablement vos chances de passer des journées de merde. Hein, toutes les journées étaient rythmées par des airs de Clairon. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le Clairon c'était un peu l'équivalent de la guitare électrique aujourd'hui. Hein, toutes les filles craquaient complètement pour un gars dès qu'il jouait du Clairon. Le Clairon c'est la seule possibilité aussi pour les soldats d'écouter leurs chansons préférées dans les tranchées. Hein, puisqu'à porter son tourne-disque dans les tranchées, c'était pas facile. Hein, d'autant qu'il fallait des rallonges quand même très très longues. Hein, s'il y avait une chose qui était dure à se procurer à l'époque, c'était quand même tout ce qui est l'univers des rallonges et des multiprises. Alors, toutes les musiques donc étaient jouées au Clairon. Donc, si on voulait écouter sa chanson préférée, c'était ça l'ennui. Il fallait aller voir le gars qui jouait du Clairon et dire hey, tu sais jouer Better Burning de Midnight Oil. Excellente celle-là. Mais aujourd'hui, comme à l'occasion donc de toutes les cérémonies du 11 novembre, au pied de tous les monuments aux morts de France, c'était l'occasion de réécouter tous les plus grands tubes du 11 novembre. Je pense à la deuxième marche du 1er régiment d'infanterie. Je pense aussi à l'air de l'appel de la 56e brigade. Et évidemment, la magnifique marche du 4e régiment des paras. Alors, on les aime, toutes ces mélodies. En tout cas, demain, eh bien, c'est le 12 novembre. Alors, un bon moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est que c'est pas férié. Et puis, voilà, je termine là-dessus. Donc, vive l'armistice, vive la France et vive le maréchal. Merci Thomas VDB. Et si vous êtes tous pliés chez vous, comme j'ai vu les gens pliés en régie, Renan Maé à la technique, Benjamin Riquet à la réalisation, les multiprises, Claire-Sophie Collet à la préparation de cette émission avec Sophie Hoffman, et voilà, ça vaut une augmentation au mérite. Ah, voilà, ça c'est gagné. Voilà. Troisième sujet pour Mathieu Madénian qui est avec nous. U2 est en concert. U2, groupe mythique qui continue à véhiculer quand même des valeurs. Alors vous me confirmerez ou pas, hein, normalement valeurs humanistes qui militent notamment pour l'annulation de la dette en Afrique, etc. Et qui joue à, bah, il joue à l'Arena Machin Chose, du nom d'une grande chaîne d'hôtellerie. Et oui, qu'on va bien être forcé de citer à un moment parce que Bercy a changé de nom. Si on fait pas gaffe, on va dire l'Arena Machin Truc. Je l'apprends. C'est vrai, à un moment, il y a un moment pour traiter le sujet, ce mot-là va sortir, quoi. Ça se passe comme ça. Marie-Josée Pérec, vous êtes une grande championne. Oui, c'est pour ça que je porte les maillots le coq gaulois. Avec le coq gaulois, je me sens plus forte et plus belle. Et pour laver mes maillots, le coq gaulois recommande la lessive Ariel. Ariel qui préconise les machines à laver Brandt. Non, c'est bon, Marie-Jo. Brandt qu'on trouve chez tous les revendeurs d'Arty qui vous dépannent en 24 heures avec des utilitaires Renault qui a choisi les carburants Total. Où on vous accueille avec un sourire éclatant grâce au dentifrice Anogyl appliqué avec une brosse à dents Algidium chaque matin après un bon bol de Ricoré et chaque soir. Voilà. C'était les guignols de l'info, hein, Cocana. C'est encore Canal. Voilà. Alors, U2 donc en concert. Alors ce matin sur cette antenne, j'entends Marc Fauvel au journal qui veut pas dire le nom, la marque, et je trouve qu'il a raison. Voilà. Vous voulez que je le dise à votre place ? Soutien ? Non, pas forcément. On va essayer de ne pas le dire. Oui, mais ça s'appelle le naming, c'est-à-dire que le grand capital a mis la main sur les salles de spectacle ou des stades, et que par exemple, le stade Chabandelmas, il s'appelle plus le stade Chabandelmas, des Girondins de Bordeaux. William Sorin. Voilà, c'est un peu ça. Le stade, il s'appelle le Tut Atlantique, voilà. Et alors, quand U2 joue. Daniel, est-ce que vous suivez ? Parce que vous regardez Charline avec un air. Non, mais j'écoute l'histoire et je, tu sais, quand ils font les concerts, les mecs, ils disent toujours bonsoir. Ça va, merci. Et là, je sais pas ce qu'ils vont dire. Ça va, les hôtels Formule 1. Bonsoir, Bercy, Fleury Michon. Oui, voilà, c'est fantastique quand même. Donc là, il y a une sorte de dichotomie quand même entre les valeurs véhiculées par le spectacle et le nom de la salle, non, c'est pas. Et puis ça dépend du spectacle. Hein. Les Girondins de Bordeaux qui jouent au stade Chabandelmas, c'est plus Chabon, on s'en fout. Hop, voilà. Et puis tu sais, t'avais c'est une grande marque. C'est quand les mecs partaient à travers le Vendée Globe et tout, et qu'ils avaient des bateaux qui s'appelaient Fleury Michon. Ah, oui. C'est incroyable. C'est toujours le cas. Ouais. Oui, c'est ça. Tu fais le tour du monde, t'as des baleines, t'as des machins, et t'as un truc. Tu hisses la tranche de jambon. Oui, c'est ça. Ouais. Droit, c'est ça. Ouais. Ah, on a reçu Gabar ici, et dans sa phrase, il y a trois fois le mot de la sureur. Quoi. Il dit je remercie comme machin, sans qu'il machin. Sans... Alors, avec l'aimable collaboration de Benjamin Riquet en régie, qui est au taquet, qui explique, c'est vrai que les équipes de cyclisme. C'est des marques aussi. Mais est-ce que c'est pas plus gênant quand c'est les salles de spectacle ? Vous, par exemple, Mathieu Madénian, est-ce que vous joueriez dans la salle. Point virgule Haribo. Knacky, je sais pas quoi. Ou, ça serait ou... marrant. Non, on a joué dans des salles avec des noms bizarres, mais. C'est au Québec. Au Québec, par exemple, ils sont hyper. Les scènes sont des noms de marques. C'est-à-dire que des marques de bière, c'est la scène Heineken, c'est la scène Kronenbourg, c'est la scène Canterbury. Alors apparemment en Europe, il y a un grand mouvement là-dessus, et la France est un petit peu retors. Il y a quand même une sorte de barrière culturelle qui fait qu'en France, et notamment aussi en Espagne et en Italie, le naming, comme il concerne essentiellement des banques et des assurances, il y a notre côté latin qui fait barrage quand même apparemment. Ça va tellement loin en Angleterre pour les matchs de foot, non seulement le stade est nommé, mais également le toit du stade. Il n'a pas le même nom, parce que quand c'est filmé de haut, ils peuvent filmer le toit, et donc c'est incroyable. Effectivement. Et rappelons que Guillaume Meurice a récemment joué dans la salle Kev Adams. Et finalement, si on n'en préfère pas la match but. Je suis désolé, j'essayais d'oublier, c'est vraiment salaud. C'est l'heure du sketch, Mathieu Madénian. Est-ce que vous acceptez un rôle ? Oui, bien sûr. Et bien, c'est même plusieurs rôles, parce que je sais que c'est vous. Il y a même des accents à faire et tout. Attention, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le casting pour le prochain James Bond. On se dit qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit un représentant des minorités, que ce soit plus un homme blanc. Et donc, est-ce que ce serait un homme avec un handicap ? Est-ce que ce serait, voilà, plusieurs choix possibles avec un accent. En tout cas, c'est Thomas VDB qui fait le casting, votre collègue. Attention, on voit qui sera peut-être le prochain James Bond. Oui, c'est pour le casting de James Bond. Oui, bonjour, c'est exactement ça. Ouais. Alors, c'est quoi votre handicap, en plus de cet accent du Sud ? Je suis éjaculateur précoce. Ah, ouais, ça c'est embêtant pour James Bond. Ouais, pour moi aussi, c'est emmerdant. Quand même. Ouais, bon, allez-y, Monica Bellucci est là, on y va, faites le texte. Ah, vous êtes élégant, Bond. Désolé. Bon, allez, suivant. Alors, c'est pour le casting James Bond, c'est quoi votre handicap ? Alors, c'est pas vraiment un handicap, je suis entier. Ah, il y a un accent. Ah, merde, pardon. Oh, mince. Alors, c'est pas vraiment un handicap. Ouais, très bien. Je suis entier. Bon, c'est parfait pour la diversité. Alors, on y va. Mise en situation, votre mission, si vous l'acceptez. Oulala, tranquille. Non, mais il faut désamorcer la bombe. C'est urgent, il reste 4 minutes 52. La bombe ? 51. Ouais, 5... ouais, la bombe, c'est aucun lui paye un petit poche. Bon, suivant. Je vais faire attaquer par l'office du tourisme Guadeloupe. Bon, c'est pour le casting de James Bond ? Oui, enculé, enculé. Non mais il va se calmer là. Pardon, salope, salope. En fait, je suis à tiens du syndrome Gilles de la Tourette, c'est pour ça. Ah ouais, merde, ok. Ah, ne soyez pas vulgaire, hein. Bite, bite. Non mais je suis pas vulgaire. Oui, vous avez dit merde, sale pute, sale pute. Non mais ça m'a échappé. Bon, faites le texte. Vite, vite. Où est mon cul, mon cul? Non, arrêtez là, c'est pas possible. Mais c'est le texte. Ah mais on m'a dit mon cul. Où est mon cul? Ah oui. Putain. Putain. Bon, c'est pour le rôle de Bond? Accent belge. Attends. Non, en fait, je suis belge et je venais pour dire qu'il y a des erreurs dans le texte. Bah, surtout des erreurs dans l'accent. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Si, quand vous dites dans le texte, on ne vit que deux fois, en fait, c'est faux, c'est une fois. Merci Mathieu. On a évité les pièges parce que ouais. C'est vous. Pardon ouais. Michel Leb. Il y avait, il y avait des difficultés. Ouais. Mathieu Madénian, je rappelle. Ah, que tu fais la promo juste après ça. Ouais. Ah mais merci. Ah oui, mais oui. Mais écoutez, le nouveau spectacle au Grand Point Virgule. Sans imitation. Est conseillé par Alex Vizorek. Oui. Grand Point Virgule du jeudi au samedi à 19h45. On rappelle que le DVD de votre premier spectacle est sorti. Et moi, je conseille aussi chaleureusement l'achat hebdomadaire de Charlie Hebdo et pas que pour la carte postale de Mathieu Madénian. Et en plus, cette semaine, elle est super. Merci. Vive Charlie. Et puis, ben, voilà le mot de la fin. Hein. Moi, je suis pas là demain. Ah, vous êtes je suis pas à Vulbens en Haute-Savoie. Vous êtes tout ça à Vulbens en Haute-Savoie. Ah, ben, voilà, mais écoutez, le mot de la fin à François Hollande et Nicolas Sarkozy qui se sont revus ce matin. Mais je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier. Toi, tu m'as vu en deuxième. Bon, ben, lui, il va me prendre la tête.